devenir aussi connu que Madonna ou que Jésus. Elle a beaucoup d'ambition, car son rêve de télévision est de rencontrer toutes ses idoles qui la rendent si frivole. Valérie veut devenir célèbre pour rencontrer Alex Kovalev et tous les joueurs des Canadiens qui portent tous une moustache de taouin. Rêve de devenir comédienne et de pouvoir monter sur une scène. Elle aimerait jouer dans Watatata pour rencontrer Michel Couillard. Elle rêve de devenir chanteuse et de chanter quelques berceuses. Elle aimerait faire son académie pour rencontrer Wilfred et compagnie. Valérie veut devenir célèbre pour rencontrer Alex Kovalev et tous les joueurs des Canadiens qui portent tous une moustache de taouin. Coucouille-vous, Stéphane Quintal, lui font perdre des amygdales. Pierre Lagier, Mike Ribeiro, lui donne des frissons d'eau. Craig Rivet et Patrice Brisbois lui donne des grands palaisseurs. Joey Juno, Francis Bouillon, lui font chanter toutes sortes de chansons. Valérie veut devenir célèbre pour rencontrer Alex Kovalev et tous les joueurs des Canadiens qui portent tous ce moustache de taouin. Valérie veut devenir célèbre pour rencontrer Alex Kovalev et tous les joueurs des Canadiens qui portent tous ce moustache de taouin. Valeri, one timer from the left, unbelievable save. Kovalev, Koivu grabbed the puck. Kovalev gets shoved. Valeri shoots it, scores. Alex, c'est belle ta moustache.